Bonjour Tiphaine, et à demain en ce qui nous concerne. Pour nous, il est l'heure d'avancer sur les routes de l'Empire du Milieu. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, la compagnie des auteurs épisode 2. Nous continuons aujourd'hui d'explorer l'univers de l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien. Il est né dans l'actuelle Afrique du Sud le 3 janvier 1892 et mort à 81 ans à Bournemouth, au Royaume-Uni, après une vie qui paraît, sur le papier, des plus calmes, celle d'un professeur de philologie à Oxford, vivant dans une maison que son ami Oden trouvait hideuse, mais qui était plutôt, pour son biographe anglais Humphrey Carpenter, une simple maison de banlieue, dans un quartier convenable et triste. Sa vie n'a pourtant pas manqué d'éléments marquants, voire tragiques, comme la perte très jeune de ses parents et l'expérience d'étrancher ou périr plusieurs de ses amis proches. Elle nous a été racontée, cette vie, hier par Vincent Ferré, dans une émission toujours disponible en téléchargement. Tolkien était catholique dans un pays anglican et se rendait assidûment à l'église. Sa vision religieuse du monde a profondément influencé son œuvre. Nous le verrons demain avec Léo Carruthers. Enfin jeudi, nous questionnerons l'appartenance de sa littérature au genre particulier de la fantasy. C'est Anne Besson qui nous éclairera sur ce sujet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour tenter de décrire la littérature de Tolkien et ses principaux ressorts, nous sommes avec Isabelle Pantin. Elle enseigne la littérature de la Renaissance et l'histoire du livre à l'École normale supérieure et on lui doit l'essai intitulé « Tolkien et ses légendes » publié en 2009 aux éditions du CNRS, où elle avait essayé en particulier de définir l'inspiration de l'auteur du Seigneur des Anneaux. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Lorsque j'ai publié « Le Hobbit », dans la précipitation et sans l'attention requise, j'étais encore influencé par la convention qui veut que les contes de fées sont naturellement destinés aux enfants, avec ou sans l'ajout de la plaisanterie stupide de 7 à 77 ans. Et j'avais moi-même des enfants. Mais le désir de m'adresser à des enfants n'avait rien en soi à voir avec l'histoire en elle-même ou avec la nécessité de l'écrire. Il a cependant eu des effets malheureux sur le mode d'expression et la méthode narrative que j'aurais corrigé si je n'avais pas été aussi pressé. Les enfants intelligents, possédant un goût sûr, il semble y en avoir un certain nombre, ont toujours distingué, comme des faiblesses, je suis heureux de le dire, les moments où le récit s'adresse directement aux enfants. J'avais pris le temps de réfléchir bien davantage à cette question avant de commencer à composer Le Seigneur des Anneaux. Et cette œuvre n'était pas destinée spécialement aux enfants ou à une autre catégorie de gens, mais à tous ceux qui aiment les longues histoires passionnantes, d'un genre que naturellement j'aime personnellement. Extrait d'une lettre à Walter Allen, lue par Jérôme Kircher. Bonjour Isabelle Pantin. Alors Tolkien parle dans cette lettre de ce genre littéraire qui est le sien et dont il dit qu'il l'aime passionnément. Mais de quel genre littéraire s'agit-il ? Parce que son œuvre est finalement assez difficile à situer. Oui, son œuvre ne se situe pas dans les catégorisations normales de la littérature, dans la mesure où elle traverse, d'une part, toutes ces catégories. Il y a une grande partie de l'œuvre de Tolkien, c'est de la poésie. Donc, il est passé de la poésie au roman. Il commence par la poésie, en effet. Et son univers aussi, il y a des textes de cosmologie, de grammaire, tout cela contribuant à construire son monde. La seule accroche, clair, par rapport à un certain domaine de la littérature, c'est dans son essai sur le conte de Ferry, dont on vient d'écouter un extrait, qu'il a dit. Donc, qu'est-ce que le conte de Ferry ? Surtout pas le conte de fées. pour Tolkien. Donc c'est une littérature qui évoque les aventures des personnages dans le monde de Fairy, bon, qui est une forme d'autre monde, hein, qui peut prendre des formes tout à fait différentes. Ça peut être notre monde aussi, mais à une qui époque différente. Qui est aussi notre monde. Et qui permet, c'est aussi très important, de faire l'expérience de nos désirs profonds. Mmh. Et les réaliser d'une certaine manière, c'est-à-dire donc réaliser des choses impossibles, comme le voyage dans le temps et l'espace, et au-delà même, affronter et d'une certaine manière triompher de la mort. Donc c'est une expérience sur l'âme humaine finalement, des laboratoires dans lesquels on peut mettre des personnages dans des situations qu'on ne pourrait pas expérimenter dans un monde qui ressemblerait au monde réel. Alors, l'âme humaine, c'est intéressant que vous disiez ça parce que c'est la conception de la féerie, hein, de la terre de féerie, que l'on rencontre beaucoup à l'époque romantique. En particulier dans le romantisme allemand et chez certains auteurs anglais très influencés par cela, comme MacDonald. Vous êtes en train de nous dire que c'est un romantique Tolkien, c'est ça ? Voilà. Et il y a une certaine fascination de Tolkien pour cette idée des histoires, donc qui sont là pour explorer ces territoire des profondeurs. Mais en même temps, Tolkien a été de plus en plus, a pris conscience que ce qui l'intéressait, c'était la reconnaissance, en fait, que cet autre monde de ces récits était notre monde, hein, le monde concret. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui donne sa grande fascination, son grand pouvoir de fascination à sa littérature, que d'avoir ces deux aspects, d'être un territoire de l'imaginaire, hein, et de grandes expériences de l'imaginaire, et en même temps le lieu de reconnaissance du monde comme il est. Mais alors, le monde comme il est, ça c'est très intéressant. Est-ce que Tolkien écrit précisément sur ses contemporains au moment où il rédige, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ? Non. Tolkien n'a jamais écrit sur des sujets contemporains. Enfin, transposé, bien entendu. Parce que... Alors, il défendait, avec son ami C.S. Lewis... Hein, un type de littérature qui, d'une certaine manière, s'inscrivait de façon un peu, pas du tout polémique chez Tolkien, mais polémique chez Lewis, hein, contre cette espèce de primat du réalisme moderne. C'est-à-dire l'idée que le devoir de la littérature, c'est de parler du monde contemporain. Et l'idée de Lewis, hein, qui est aussi, je pense, celle de Tolkien, c'est que on parle du monde réel et donc forcément de son monde contemporain avec la plus grande authenticité dans la mesure où l'on se met à raconter des histoires qui correspondent au fond à vos désirs profonds. Donc finalement, on parle de tous les jours, de ce qui se passe chaque jour, et même de l'histoire, quand finalement on parle de ces ressentis, et peut-être aussi des dilemmes de l'âme humaine, pour reprendre ce terme que tout à l'heure vous avez souligné. Alors, Tolkien a été... Enfin, dès le début, hein, il commence à écrire à peu près au moment à la fin de la guerre de 14. Hein. Il a écrit le genre de texte, hein, que lui inspiraient les livres qui le touchaient le plus, qui était justement cette littérature très ancienne, anglo-saxonne ou scandinave. Comme par exemple ce fameux poème de Beowulf. Voilà, le poème de Beowulf, qui est pour lui un espèce de modèle, de modèle idéal. Il ne parle pas à son sujet de conte de féerie. Il emploie une expression très importante chez lui, qui est une une histoire puissante. C'est quoi ce... Alors, une histoire puissante, Potent Story, c'est une histoire qui est capable justement de mettre en branle l'imaginaire, à la fois chez l'auteur et chez ses lecteurs, et de toucher à des problèmes fondamentaux, aux questions de la vie et la mort. Donc c'est une histoire qui est importante parce que c'est un poème qui fait vivre aussi cette traversée du temps qui est si importante dans la littérature. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ce que Tolkien écrivait justement au sujet de ce poème dans sa conférence « Beowulf, les monstres et les critiques », lu ici par Olivier Clavery. Ces vers évoquent plus l'architecture que la musique. Je crois qu'il existe un parallèle entre ce fait fondamental de l'expression poétique et la structure de Beowulf. Beowulf est en effet le poème vieil anglais le plus réussi parce que ses composantes, langue, maître, thème, structure, sont toutes pratiquement en harmonie les unes avec les autres. La langue et le vers, différents de la pierre, du bois ou de la peinture, bien sûr, ne peuvent être lus ou entendus que dans une séquence temporelle, de telle sorte que dans tout poème traitant de personnages et d'événements doit figurer un élément narratif. Néanmoins, nous avons dans Beowulf une méthode et une structure qui, dans les limites du genre poétique, se rapprochent plutôt de la sculpture ou de la peinture. C'est une composition et non une mélodie. La compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous de cet extrait, Isabelle Plantin ? Alors, donc cet extrait évoque cette structure de Beowulf, qui est une structure qui, pour les critiques avant Tolkien, paraissait tout à fait paradoxale et même extrêmement défectueuse, comparée aux poèmes homériques, par exemple, à des modèles classiques de l'épopée, parce que elle est construite, hein, le poème est structuré autour de rencontres avec des créatures monstrueuses et folkloriques, hein, puisque le héros Beowulf, qui appartient au monde scandinave, disons de là, entre la fin de l'Antiquité et autour du VIe siècle, va affronter d'abord un espèce d'ogre terrible qui est décrit comme de la descendance de Caïn, puis sa mère. Et à la fin du poème, devenu vieux, donc après avoir été roi, etc., il va sauver son peuple en affrontant un dragon. Mmh. Et donc ce mélange d'éléments folkloriques, d'éléments historiques, paraissait tout à fait une faiblesse du poème. Et Tolkien a montré que, au contraire, c'était là qu'il fallait lire véritablement l'originalité du poème, sa grande maîtrise et cette puissance. Et comment le reprend-il ? Qu'est-ce qu'il reprend alors de cet exemple-là pour le faire sien dans, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ? Alors, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ce qui est un thème très important de Beowulf, qui est un thème moral. C'est ce que Tolkien appelle quelquefois le courage du Nord. Hein. C'est-à-dire un modèle d'héroïsme qui est tout à fait différent de cette idée de l'héroïsme chevaleresque que qui a parfois été véhiculé par les légendes arthuriennes, fondées sur la prouesse individuelle. Donc c'est un héroïsme qui serait collectif. Voilà, là. C'est un héroïsme dans lequel le héros est un chef, qui est surtout marqué par sa responsabilité vis-à-vis d'autrui, et qui va être capable d'affronter un péril, alors même qu'il sait que le rapport des forces est tout à fait inégal et que la défaite est presque certaine. Ce qui ramène Tolkien vers l'idée de ce qu'est l'existence, hein, c'est-à-dire cette défaite, cette longue défaite contre la mort. Hein. Et on retrouve ça dans Le Seigneur des Anneaux, en particulier dans la fin, hein, le dernier combat contre Mordor. Bon, à la fois dans la quête de Frodo et dans l'armée commandée par Aragorn, hein, qui va affronter sans espoir. Alors il y a une grosse inspiration, c'est celle du Kalevala, qui est une autre légende nordique. Alors là, dans quoi est-on, Isabelle Pantin? Parce que ça, c'est un texte qu'il a connu très jeune, vers 18-19 ans. D'ailleurs, la plupart de ces textes qui forment son corpus, il les lit assez jeune. De quoi s'agit-il et en quoi est-ce que ça va influencer tout au long de sa vie, je crois, son œuvre? Le Kalevala, c'est quelque chose de très différent de Beowulf, qui est vraiment une œuvre unique, structurée. C'est un ensemble de textes qui a été reconstitué au XIXe siècle. Oui, c'est pas très ancien en réalité. Si, parce que c'est Lönnrot qui a réuni les différents poèmes, hein, dont il a fait le Kalevala, a utilisé des légendes pour à 99,5% des textes qu'il avait collectés en Finlande, hein, et en particulier en Carélie, à partir de sources orales. Et donc c'est une poésie tout à fait alors finnoise, donc dont la langue, bon, c'est incapable d'en parler. Je ne suis pas du tout spécialiste, hein, donc mais dont la langue l'avait séduit très très très, très bien et très très jeune, et aussi. Donc c'est, on pourrait dire que c'est un peu disparate, puisque c'est une longue série de chants qui ont chacun un sujet et qui sont réunis par une sorte de trame relativement, dans laquelle on trouve des textes très différents, certains presque humoristiques, certains dont les thèmes rappellent un peu ceux de son univers, et puis une histoire. Enfin, qui est véritablement une tragédie, qui est l'histoire de Kullervo. Donc, c'est un être marqué par le sort dès la naissance, qui va être réduit en esclavage, se venger, chercher à se venger de ses ennemis, et cherchant à accomplir sa vengeance, va en réalité se retourner contre les siens même, de façon, enfin, avec l'aveuglement tragique, hein, finir par séduire et violer sa propre sœur sans le savoir, qui se suicide, et finir par se suicider lui-même. Donc on est tout à fait dans le mythe. Or, on sait bien que le mythe, c'est la matière première de la littérature de Tolkien. Alors ça, par exemple, où est-ce qu'on va le retrouver, encore une fois, Alors, Isabelle Pantin ? Non pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans ces récits légendaires que Tolkien a élaborés, donc depuis le début de sa création, à travers l'histoire d'un personnage qui s'appelle Turin, qui va être donc déplacé par Tolkien. Ce n'est plus Kullervo, il est apparenté justement aux grandes dynasties et familles, hein, qui constituent le légendaire de Tolkien. Mais c'est l'histoire de ce personnage marqué par le destin. Donc va être une des façons qu'a eu Tolkien d'expérimenter jusqu'au bout ce type de récit tragique. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle, évidemment, des langues dans l'univers de Tolkien, et on prend conscience très vite, en lisant Le Seigneur des Anneaux, qu'en effet, la question de nommer les choses, la question de la langue et de sa sonorité est très importante pour Tolkien. Je vous propose justement d'écouter un extrait du Seigneur des Anneaux, où on l'entend, les personnages font très attention aux mots et aux noms qu'ils emploient. Dès l'entrée des Hobbits de la comté s'éleva chez les habitants de Brie un cœur de bienvenue. Les étrangers, en particulier ceux qui étaient venus par le chemin vert, les examinèrent avec curiosité. L'aubergiste présenta les nouveaux arrivants aux gens de Brie si rapidement que, bien qu'ils eussent entendu les noms, ils n'étaient jamais sûrs de les attribuer correctement à l'un ou à l'autre. Les hommes de Brie semblaient avoir tous des noms botaniques, et pour les gens de la comté plutôt bizarres, tels que Mèche de Jonc, Chèvrefeuille, Pied Bruyère, Abalon, Laine Chardon et Fougeron, sans oublier poire de beurrée. Mais la plupart avaient des noms tirés de la nature comme talus, trou grisard, long terrier, lève-sable et tunnelier, dont beaucoup étaient en usage dans la comté. Il y avait plusieurs sous-collines de Stadel, et comme ils ne pouvaient imaginer de partager le même nom sans être parents, ils prirent Fredon en affection comme un cousin longtemps perdu. C'est aussi l'un des charmes de Tolkien, Isabelle Pantin, ses noms dans ses récits, c'est le plaisir précisément de l'inventivité aussi. Oui, et puis c'est la. Alors, le Seigneur des Anneaux est écrit en grande partie dans un anglais moderne, hein, qui est une sorte de langue franche, hein, de langue commune à tous les peuples de la Terre du Milieu, mais chacun le marquage linguistique, à la fois. Les toponymes, les patronymes, aussi les manières, les tournures, le type d'éloquence qui va être utilisé, c'est un grand élément de différenciation des peuples. Mais on parle anglais dans la Terre du Milieu, c'est précisé ça par Tolkien ? On parle une langue commune. Oui, c'est ça, on ne connaît pas le nom de cette langue commune. Le monde de la Terre du Milieu est un monde d'échange, qui n'est pas... Donc on peut avoir l'impression que les hobbits sont au moins au début un peu renfermés dans leur comté, mais... C'est des commerçants, donc on se doute qu'ils doivent se promener un peu partout pour acheter et vendre. Voilà, la Terre du Milieu est un lieu de commerce et de migration, et de rencontre entre les peuples. Et donc là, ces manières de parler, ces manières de se nommer, donc sont très importantes évidemment pour marquer l'identité de chacun. Et alors dans le cas de Bré, hein, dans le passage, c'est particulièrement frappant et intéressant parce que Bré, c'est un village frontière, hein, qui est un point de passage, hein, de l'autre côté de la vieille forêt entre le monde de la comté et puis le vaste monde extérieur. Vous en parlez comme si c'était chez vous. Voilà, et au milieu de Bray, évidemment, une auberge, hein, qui est un lieu de passage, de rendez-vous, où se manifestent ces mélanges. Il faudrait faire des guides touristiques, finalement, de tous ces endroits. Ça n'existe pas ? Si, il existe beaucoup. La littérature sur Tolkien est sans limite et sans fin. Donc on a des cartes, l'équivalent de. Oui. Alors pour revenir, Isabelle Pantin, aux inspirations diverses de la littérature de Tolkien, il faut quand même revenir un petit peu sur l'expérience de la Grande Guerre. On a vu hier avec Vincent Ferré à partir de la biographie de Humphrey Carpenter. Que le rôle de la Grande Guerre avait été très très important. Il y a même des essais qui ont été écrits sur ce thème, celui de John Garth, paru en 2003 chez Christian Bourgois. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve dans la littérature de Tolkien de son expérience tragique dans les tranchées, Isabelle Pantin ? Alors, cette expérience est très forte, hein, et très frappante, mais il faut peut-être dire qu'elle n'est jamais pure. Hein. C'est-à-dire que elle est recouverte, hein, et de façon parfois sans qu'on puisse véritablement en distinguer les contours, par d'autres imaginaires. Bon, on parlait tout à l'heure de la question du chef, hein, du courage du Nord, etc., on peut penser, évidemment, qu'il y a, dans cette représentation du pouvoir, de l'exercice du pouvoir que donne Aragorn, hein, dans Le Seigneur des Anneaux, une critique à la fois du mauvais gouvernement et de la... Enfin, des mauvais chefs, hein, qui sacrifient les vies de leurs soldats... quelque chose qui à la fois renvoie à des sources très anciennes, hein, des sources médiévales en particulier, mais aussi évidemment cette vision assez désastreuse hein, de la gestion de la guerre par l'état-major hein, lors de la guerre de 14. Donc ça, esthétiquement, est-ce qu'il y a aussi de la guerre de 14 dans la manière dont sont décrites, je ne sais pas, les batailles par exemple, parce que quand même il a vécu dans ces boyaux de terre, à un moment donné il l'a ressenti aussi, donc il n'y a pas que l'aspect politique, je dirais, des maréchaux qui envoient à la mort leurs soldats. Il y a aussi quand même, j'imagine, quelque chose de beaucoup plus sensible, non ? Alors, il n'y a pas guerre de tranchées dans Le Seigneur des Anneaux. En revanche, c'est, il y a une vision de la du No Man's Land. Et, c'est-à-dire ce cauchemar de la terre morte, qui est la terre d'où a disparu toute forme de végétation, toute forme de vie, et qui devient un tombeau. Ouais. Alors mais là aussi, il s'agit d'une image qui n'est pas pure, parce que elle est recouverte et se mélange aussi à d'autres visions. Et d'autres traditions. Voilà, d'autres visions des terres mortes. On voit par exemple dans la traversée des mares et des morts. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin aussi, Isabelle Pantin, et se demander quelle est la vision de la guerre de Tolkien ? Parce qu'on l'a accusé un petit peu d'avoir finalement une tendance à embellir ces conflits, à sanctifier d'une certaine manière, par proxy, j'ai envie de dire, la mémoire de cette grande guerre. Est-ce que c'est un procès qui vous semble juste, ou est-ce qu'on pourrait tout de même le voir, selon vous, dans l'œuvre ? Ça ne paraît pas juste du tout. C'est-à-dire, je sais que c'est très... Il n'y a pas d'esthétisation des batailles chez Tolkien. C'est vrai qu'il y a, qu'on trouve dans les magasins de souvenirs autour de la fantaisie, des vitrines avec des armes, etc., des panoplies, etc. Mais ça donne de l'univers de Tolkien, à mon avis, une idée extrêmement fausse. Hein. Il n'y a pas aucun des personnages positifs, disons, du roman en tout cas, n'a le goût de la guerre. Les grands héros, c'est quand même les premiers et les derniers du roman, ce qui sont les hobbits. Ils sont un peuple foncièrement, fondamentalement pacifiste, ayant absolument horreur des combats, assez au naturel, assez froussard d'ailleurs. Donc cette idée d'une valorisation de la guerre me semble liée à une lecture qui est biaisée. Il ne faut pas aller chercher du côté de ses positions politiques, parce qu'on a dit hier avec Vincent Ferré que c'était un homme de droite, que c'était un conservateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand même sur le rapport entre la vision politique de l'homme et puis son œuvre ? Enfin, de droite, c'est un peu difficile à dire, parce que il était plutôt un peu anarchiste, pas tellement royaliste. Il était anti-colonialisme. L'anti-colonialisme, c'était en particulier l'Empire britannique, c'était pour lui l'horreur absolue. Alors qu'il était né dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Il a dit dans une de ses lettres que sa mère... que le fait d'avoir été né, d'être né là et d'avoir entendu sa mère lui en parler, avait mis dans ses os, il le dit dans son discours de retraite, dans ses os même, la haine de l'apartheid. Oui, parce qu'on l'a accusé aussi de racisme. Qu'est-ce qui accréditait les gens qui ont considéré qu'il était raciste ? Parce qu'il appartient à une époque. Enfin, il est quand même un héritier du monde victorien. Enfin, il naît à la toute fin du 19e siècle. Et donc, c'est à une époque où on parlait éventuellement de race sans complexe. Mais lui, d'ailleurs, sa vision de la Terre Mouillée, ce sont des peuples. Alors, évidemment... Il y a dans la Terre du Milieu des elfes, des hommes, des hobbits, des nains, des orques, etc. Donc, d'où chez certains l'idée que il en ressort une espèce de classification, de caste entre les différentes espèces, parce que c'est des espèces finalement. Voilà. Alors d'autant plus que les hommes, donc les de la famille, du peuple, disons le plus ancien et le plus valorisé, hein, dont est issu Aragorn, ce sont des, alors Dieu merci, ils ne sont pas blonds. C'est déjà une chose. Les elfes aussi, non? Mais, ils sont grands, ils ont un type un peu germanique, d'où évidemment la... Oui, parce que c'est quand même écrit à la fin des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors les positions de Tolkien à ce sujet sont absolument sans aucune... ambiguïté. On a des lettres de lui à son éditeur à propos justement entre 1937 et 1938, oui. À propos des exigences donc posées par la traduction allemande. Parce que ces éditeurs allemands voulaient voilà, savoir s'il y avait des origines juives dans l'arbre voilà, généalogique parce qu'ils avaient de Tolkien. Bien vu qu'il s'appelait Tolkien, donc il était de chez eux. Donc il voulait savoir si c'était impur. Et là il répond vertement. Et alors il répond vertement, enfin que il avait une horreur viscérale hein, du Salmigondi pseudo-scientifique hein, qui servait de théorie au Reich. Et dans l'essai sur le comte de Ferry, il revient aussi là-dessus, sur justement il critique à demi-mot, parce que c'est pas son sujet, toutes les tentatives de récupération raciste de l'héritage folklorique. Allez, on va continuer à parler de Tolkien et de ce qui sous-tend son œuvre avec vous, Isabelle Pantin. Mais pour le moment, faisons une pause avec la chronique de Bruno de Labriole. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bruno de Labriole de la chaîne YouTube Le Moc, également co-auteur du livre classique point d'exclamation chez Albin Michel. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous n'allez pas nous parler de Tolkien, mais d'un autre auteur de récits fantastiques disparu il y a 15 jours et dont vous n'êtes pas sûr que nous lui ayons suffisamment rendu hommage ici à la compagnie des auteurs. Et oui, j'aurais pu parler aujourd'hui de la place bizarrement étroite du Seigneur des Anneaux dans la pop culture, mais comme je suis un peu la caution jeune de cette émission, j'ai plutôt voulu rendre hommage... C'est ce que vous dites. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de caution jeune, vous savez. Non, c'est faux. Alors, pourquoi suis-je là? Bon. Pour votre grand talent. Eh bien, non, plutôt pour rendre hommage à Stan Lee et à l'univers de Marvel qu'il a engendré. Ah. Alors, attention, spoiler. La difficulté, malgré tout, semble être de lier Stan Lee, scénariste de comics, à notre écrivain de la semaine, le catholique Tolkien. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Car dans ce pays où depuis 30 ans, les catholiques représentent moins de 5% de la population, il est quand même frappant que certaines des plus grandes figures de nos divertissements soient encore explicitement christiques. Alors quel exemple pourriez-vous nous donner d'un divertissement actuel qui serait christique? Eh bien, à mon avis, et ça peut surprendre, le meilleur exemple, c'est Avengers 3 Infinity War, le film le plus rentable de l'année 2018. Alors, quand on sait un petit peu, quand on se tient au courant, on sait que chez Marvel, l'héroïsme des personnages principaux, il est toujours relativisé. Est-ce que les super-héros ne sont pas querelleurs, égoïstes et pleins d'eux-mêmes? Plus encore, les humains ordinaires semblent de plus en plus méfiants vis-à-vis de ces êtres surpuissants qui affrontent des menaces dont ils sont souvent la cause et qu'ils repoussent en détruisant New York. Par ailleurs, les scénaristes de Avengers 3 ont eu le culot de faire triompher le grand adversaire, Thanos, c'est-à-dire la mort. À la toute fin du film, Thanos s'assied. Il sourit, le visage baigné par la lumière d'un lendemain qui chante. Sa laborieuse mission est accomplie. Sans haine ni mépris, il a éradiqué la moitié des êtres de l'univers pour rétablir l'équilibre entre la croissance infinie de la population et le stock fini des ressources disponibles. Son intention était louable, son jugement fut impartial, son exécution rigoureuse. Il a même, en larmes, sacrifié sa propre fille adoptive, agneau immolé, non pas pour faire souffler le vent sur ses bateaux, mais presque. En clair, a priori, le méchant n'est pas si méchant et les gentils se querellent. Mais alors Bruno, où vous semblent être ces figures christiques dont vous nous parliez? Eh bien, en vérité, je vous l'ai dit, elles sont partout. En effet, Avengers 3 redonne son sens au mot délavé de super-héros, c'est-à-dire celui qui donne sa vie pour ses amis. Par exemple, à peine le film a-t-il commencé que Loki, dont les spectateurs fidèles connaissent le lourd passé de manipulateur narcissique, se sacrifie. Il obtient ainsi quelques secondes de diversion qui permettent à Hulk d'échapper à l'emprise du terrible Thanos et d'aller avertir ses camarades du danger. Et pendant les 2h30 du film, chacun des autres personnages fait à un moment ou à un autre offrande de sa propre existence. Par exemple, toujours pour faire diversion, la Panthère Noire décide d'ouvrir une partie de la barrière protectrice de son pays secret, le Wakanda, afin d'attirer l'ennemi sur le champ de bataille. Iron Man, l'égoïste alcoolique, renonce à l'amour de sa fiancée pour honorer son devoir envers l'humanité tout entière. En revanche, et c'est là où se manifeste dans tout son éclat la différence entre les super-héros et leurs adversaires, c'est toujours autrui et non lui-même que Thanos sacrifie. Et s'il immole à contre-cœur quand il s'agit de sa fille, il se montre expéditif sur les autres planètes. Son plan requiert un holocauste, celui des autres. Alors, quand le film se conclut sur une hécatombe de super-héros, s'il y a bien quelqu'un qui reste en vie, c'est l'ami Thanos. Par conséquent, sa bonne morale n'est qu'apparente. Il y a une autre illustration, par exemple, Bruno. Eh bien, par exemple, on pourrait prendre la célèbre expérience de pensée du tramway fou. Alors, vous avez un tramway fou qui dévale un chemin de fer, et ses freins sont cassés. Au bout de la voie, il y a 5 ouvriers qui vont se faire écraser, c'est certain. Vous êtes témoin de la scène. Et devant vous se trouve un aiguillage qui permet de dévier le tramway vers une voie de garage où ne travaille qu'un seul ouvrier. C'est aussi l'histoire de la voiture autonome. Exactement, c'est vrai, pour un problème que désormais les machines doivent résoudre. Alors, mais vous, qu'est-ce que vous faites? C'est un vous rhétorique, bien sûr, ne répondez pas. La position de Thanos est claire. Eh bien, Thanos, il actionnerait l'aiguillage, même si cela revient à tuer quelqu'un, car il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que 5. Un humain ordinaire, quant à lui, aurait plus de scrupules et rechignerait sans doute à actionner l'aiguillage mortel. En revanche, le super-héros refuse ce calcul binaire qui enferme la pensée et il se place lui-même sur la voie pour tenter de freiner le tramway au prix de sa vie, s'il le faut. Et c'est comme ça que vous reliez alors les héros de Tolkien aux super-héros de Stan Lee. Oui, exactement. Dans l'univers de Marvel, et a fortiori dans Avengers 3, on comprend que le super-héros, ce n'est pas d'abord un prodige qui met ses talents au service de la communauté, c'est plutôt quelqu'un qui a renoncé à son humanité pour que les autres la conservent. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, il revêt désormais une condition d'étranger, ni tout à fait inhumain, ni tout à fait comme les autres. Le super-héros change d'état par une piqûre d'araignée plutôt que par une onction du Saint-Crème. Et à la façon du prêtre, il assume désormais une double identité et une vie de célibat, et son devoir s'étend jusqu'aux confins de la Terre. C'est pour cela que les personnages de Marvel traînent leur entêtement de film en film. Il faut toute une vie pour mourir à soi-même et renaître serviteur de son prochain. En conclusion, Bruno ? En conclusion, le père Pascal Hyde a écrit sur son blog de cinéma un riche article sur le film, et je me permets de lui emprunter ma conclusion. Car il écrit « Le combat victorieux contre le méchant requiert d'abord la lutte souvent peu glorieuse contre soi-même ». Contrairement à Thanos qui est maître à bord et que ses lieutenants craignent, les Avengers forment une équipe qui apprend lentement à devenir ce qu'elle est. Alors certes, il a fallu 18 films pour permettre aux héros de donner sans regret leur vie pour leurs amis, mais comme le pape François le rappelle dans sa récente exhortation apostolique « Gaudete et exultate », la vie chrétienne est un combat permanent, une guerre infinie, Infinity War, contre la préférence de soi. Bruno de la Briolle, merci, à très bientôt. Des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes en compagnie justement d'Isabelle Pantin pour le deuxième épisode de notre série consacrée à Tolkien, dont nous cherchons notamment aujourd'hui à caractériser les sources de la littérature. Et l'une de ces sources pourrait bien être les deuils successifs qu'il a eu à subir tout au long de sa vie. Je ne me sens pas tout à fait réel ou entier. Et en un sens, il n'y a plus personne à qui parler. Depuis ma majorité, à la fin de nos 3 ans de séparation, nous avions partagé toutes les joies, tous les chagrins et toutes nos opinions, en accord ou non. Au point que je me prends encore souvent à penser, je dois en parler à Edith. Et puis soudain, je me sens comme un naufragé rejeté sur une île nue, sous un ciel indifférent, après la disparition d'un grand navire. Je me rappelle avoir essayé d'expliquer ce sentiment à ma cousine après la mort de ma mère, alors que je n'avais pas 13 ans, et avoir fait un vain signe de la main en direction du ciel, disant « C'est si vide, si froid. » Et je me rappelle encore avoir dit à C.S. Lewis, après la mort du père Francis, mon second père, à 70 ans, en 1934, je me sens comme un survivant égaré dans un monde inconnu et étranger après la disparition du monde réel. Extrait d'une lettre de Tolkien à son fils Michael, lue par Jérôme Kircher. Une lettre de 1972, c'était un an après la mort de sa femme avec qui il avait passé sa vie entière. C'est donc un des deuils qui va lui rappeler la série de deuils qu'il a eu à subir à la fois pendant son enfance et puis aussi pendant la Grande Guerre, puisque la plupart de ses amis de son club sont morts. Je crois que c'était le TCBS. Ah, c'était le TCBS, voilà. Donc, ils étaient trois, et puis il y en a deux, si mes souvenirs sont bons, qui sont morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Donc ça, évidemment, ça ne peut que marquer profondément un homme. Dans quoi, là encore, et c'est toujours un petit peu la même question que je vous pose depuis le début de cette émission, dans quoi retrouve-t-on ces terribles souffrances dans l'œuvre de Tolkien, Isabelle Pantin? Alors il y a effectivement qui traverse l'œuvre une veine qu'on pourrait appeler une veine de dépression, qui n'est pas toujours présente, mais qui apparaît de façon très poignante à certains moments. Lui-même disait qu'après la mort de sa mère, il avait perdu son optimisme, ou qu'en tous les cas, son optimisme avait de fortes tendances à disparaître, pour parfois revenir, mais enfin, il avait changé de personnalité. Et je pense, et cette idée d'être... cette expérience... qui est presque de cauchemar, hein, de se trouver seul dans un univers étranger. Il l'a retranscrit. L'une des images peut-être les plus frappantes, c'est la dépression de Frodo dans la dernière partie du roman. Donc quand Frodo ne parvient pas à se remettre de cette expérience extrême qu'il a traversée, et ne parvient pas à renouer avec le monde réel, ce qui fait que c'est Sam qui sera en fait l'héritier, le porteur du futur. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que il y a une citation qui dit presque exactement ça, et qui est une citation de Tolkien lui-même. Je vous la livre. Je me sens comme un survivant perdu dans un nouveau monde étranger après la disparition du monde réel. Il a dit exactement, au fond, ce que vous vous faites dire à ce personnage de Frodo. Voilà, c'est effectivement cette idée d'être étranger. Alors, il a écrit des poèmes qui traduisent aussi cette expérience. Et je pense qu'on peut faire un lien avec son expérience littéraire qui l'amenait, qui a une très grande part de ce qu'on pourrait appeler la nostalgie. Donc, ce qu'il écrit, c'est un conte de Fairy, donc un retour vers la terre de Fairy, cet autre monde, qui est, à beaucoup d'égards, le monde du passé. Le monde du passé que la littérature va peut-être réussir à explorer et à faire revenir à l'existence, mais qui, parfois aussi, la littérature elle-même est décevante et impuissante. Alors je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette question des mythes qui constituent l'essentiel de votre essai, Isabelle Pantin, et faisant un détour peut-être par une lecture d'une lettre de Tolkien à Milton Waldman qui date de 1951 et qui est lue ici aussi par Jérôme Kircher. J'ai nourri ab initio une passion tout aussi fondamentale pour les mythes, pour les contes de fées, et surtout pour les légendes héroïques à la lisière du conte de fées et de l'histoire, qui sont bien trop peu nombreuses dans le monde à mon goût. Je n'avais pas encore achevé mes études quand la réflexion et l'expérience me révélèrent que les pôles opposés de la science et du romancé ne relevaient pas de goûts divergents, mais étaient totalement apparentés. Je suis cependant loin d'être érudit en matière de mythes et de contes de fées, car sur ces sujets, J'ai toujours été à la recherche de matériaux, d'éléments d'un certain registre et d'une certaine qualité, et non de simples connaissances. Par ailleurs, et j'espère ici ne pas paraître absurde, j'ai été très tôt attristé par la pauvreté de mon propre pays bien-aimé. Il n'avait aucune histoire propre, je veux dire étroitement liée à sa langue et à son sol. En tout cas, pas de la nature que je recherchais et trouvais dans les légendes d'autres contrées. Il y avait les légendes grecques, les celtes, les romanes, les germaniques, les scandinaves et les finnoises qui m'ont fortement marqué, mais rien d'anglais, excepté le maigre matériau des almanachs. Bien sûr, il y avait tout le monde arthurien, mais malgré sa force, il est imparfaitement naturalisé, étant associé avec le sol britannique et non anglais. La compagnie des auteurs sur France Culture, qu'est-ce que ça dit du rapport de Tolkien à son pays, cette volonté quand même assez touchante de vouloir offrir à l'Angleterre un mythe ou une série de mythes que ce pays n'a pas, selon lui. À l'Angleterre, hein, pas à la Grande-Bretagne. À l'Angleterre, ouais. Oui. Mmh. L'Angleterre, hein, donc c'est cette Angleterre héritière des Angles. Hein. Alors, il part de l'idée donc que l'Angleterre, contrairement à la Finlande, à l'Islande, est dépourvue de ce socle de mythes fondamentaux. Et il a l'idée de les donner à ce pays. Et pourtant, c'est pas uniquement anglais, quand même, le Seigneur des Anneaux. Il n'y a aucun lien avec l'Angleterre en tant que telle. Alors, quand il crée le Seigneur des Anneaux, il a déjà beaucoup évolué par rapport à ce projet initial. On pourrait dire que c'est un projet d'un artifice complet. Comment peut-on inventer des légendes censées être primordiales ? Et dans l'idée de Tolkien, il ne s'agit pas d'une opération artificielle, mais plutôt d'une redécouverte d'un passé qui a probablement existé. Alors c'est très important aussi ce lien fondamental entre la langue, la poésie et le mythe. Qui a probablement existé, mais à quel moment ? Alors qui, dans cette période ancienne de l'Angleterre, donc avant ces différentes vagues d'invasion qui ont effacé cette culture et qui ont fait qu'il n'y a pas eu de tradition orale anglaise de récits folkloriques. Et là, il s'intéresse à l'histoire en tant que telle ou l'histoire finalement ne l'intéresse pas parce que est-ce qu'il va chercher dans l'histoire d'Angleterre un moment où aurait été arasée cette culture dont il imagine qu'elle a existé ? Alors pour Tolkien, il y a entre mythe et histoire un continuum. C'est-à-dire que le mythe a toujours été à un moment à toucher à l'histoire et vice-versa. C'est une des choses qui l'intéresse. Par exemple, il s'intéresse au roi Arthur, pour lequel il a écrit un poème qui a été récemment republié par son fils. Malgré sa position très critique vis-à-vis des légendes arthuriennes, le roi Arthur l'intéresse comme figure à double face. Une face vers le mythe et une face vers l'histoire. Mmh. De toute façon, quand le regard s'étend vers les profondeurs du passé, le mythe relaie l'histoire. Alors, il y a aussi la question de ces lectures. Quelles ont été les lectures d'enfance, d'adolescence ? On a parlé au début de cette émission, Isabelle Pantin, des deux grandes histoires finalement, Beowulf et puis l'autre légende nordique, Kalevala. Quelles sont les lectures qui ont imprégné Tolkien, d'abord dans sa jeunesse et puis continue-t-il à lire toute sa vie ou est-ce que finalement il aime garder ses premières lectures proches comme ça de lui ? Alors, il y a donc c'est pour Tolkien, il y a une espèce de canon, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres qu'on pourrait dire presque parfaites, où justement le lien entre la langue, la poésie et l'histoire puissante sont parfaitement réunis. Donc, on a parlé de Beowulf, du Kalevala. Il faut aussi penser aussi aux légendes scandinaves, des Eddas et de l'histoire de Sigurd, hein, la Volsunga saga. Donc, il ne va jamais s'intéresser, je ne sais pas, à d'autres légendes du sud de l'Europe, par exemple. Ça n'est pas son univers. Alors, il y a aussi toutes. D'abord, ces textes hein, qu'il a ensuite connus dans leur authenticité linguistique, etc. Le premier contact qu'il a eu avec elles sont à travers des lectures enfantines. Bon, c'est l'époque des collections de Lamb, de William Morris. Donc toute cette littérature ancienne réécrite. William Morris, qui est un personnage fascinant d'ailleurs, créateur multiforme. À la fois arts and craft, mais aussi capable d'inventer plus ou moins la fantasy. Donc ça, on imagine que ça a pu être un modèle qui l'a fasciné. Alors beaucoup, et qu'il a, donc on sait qu'il l'a lu étudiant en tout cas, et il a, d'une certaine manière, il lui ressemble. Parce que dans l'œuvre littéraire de Morris, il y a un côté d'écrivain original, qui inventent de nouvelles histoires, mais qui sont inspirées souvent par des sources anciennes, et aussi de personnages, de découvreurs de textes, hein, qui travaillent sur, justement, les textes islandais, sur Beowulf, qui en donnent des traductions, qui voilà. Donc, alors ensuite, il va devenir, évidemment, beaucoup plus puriste. Hein, cette espèce d'antiquité victorienne, donc il la met un petit peu à distance, mais elle a été certainement extrêmement importante pour son imaginaire. De même, toutes les histoires de dragons qu'il a lues. Alors pourquoi il aime tant les histoires de dragons ? Qu'est-ce qui lui plaît, et très jeune d'ailleurs, dans les dragons ? Enfance, ce sont les dragons qui l'intéressent. C'est un la fait. Passion du dragon, mais c'est, pourquoi c'est cet amour intuitif, hein, bon, certainement acquis sur des textes qui n'étaient pas des sources qui n'étaient pas forcément très très pures, etc. C'est confirmé, et donc là il y a un lien très très émouvant d'une certaine manière de voir la passion enfantine de Tolkien pour les dragons qui reçoit une consécration dans sa conférence sur Beowulf. Qui est véritablement montre comment le dragon peut être cette espèce de ce qu'il appelle un point de fusion de l'imaginaire qui va permettre le miracle hein, de ce texte qui est non seulement une très belle histoire mais qui est une histoire qui mélange un peu les temps qui permet de faire comprendre sans mélanger les plans ce qu'était un passé très ancien. Et en même temps, le moment plus récent du poète. Ah bah le temps, il faut terminer par là quand même, Isabelle Pantin, parce que c'est vraiment la matière première de Tolkien, le temps, comme de beaucoup de très grands écrivains, mais peut-être chez lui encore plus. Vous dites que son œuvre, c'est une fenêtre sur l'autre temps. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'autre temps, c'est la féerie. Il y a aussi le fait que Tolkien vit à une époque, la période de la début de sa création, c'est l'entre-deux-guerres, en particulier les années 20, les années 30, dans lesquelles la vision du temps est profondément enrichie, bouleversée, à la fois par la psychanalyse et en particulier par la psychanalyse de Jung, qui a eu une très bonne réception en Angleterre. Et puis par Einstein, qui est aussi diffusé cette idée de la relativité des temps, et d'autre part les deuils liés à la Grande Guerre a donné une grande impulsion à des ouvrages et travaux, des réflexions dont certaines confinent à l'ésotérisme. Sur l'idée du dialogue avec les morts et de la façon dont le présent peut garder un contact vivant avec le passé. Donc je pense que ce contexte est très important pour l'œuvre de Tolkien, qui démontre d'une certaine manière la permanence du passé dans le présent. Mmh. Et Bergson aussi, que j'avais absolument envie de citer, est-ce qu'il fait partie des auteurs que Tolkien a lus, par exemple ? C'est impossible de le savoir. Il n'y a rien qui le prouve en tous les cas. C'est impossible de le savoir. Moi, je pense toujours à l'amitié entre Tolkien et Lewis, donc qui se voyaient certains moments de leur vie presque plusieurs fois par semaine, qui avaient des discussions sans fin. Or, Lewis, à la différence de Tolkien, était un boulimique de lecture qui lisait tout, qui était d'autre part très attiré, comme Tolkien aussi, par la philosophie, et qui a certainement été dans l'œuvre auprès de Tolkien une porte d'entrée. De beaucoup d'influence. Merci beaucoup, Isabelle Pantin. Pour aller plus loin, je signale votre livre Tolkien et ses légendes, une expérience en fiction, publié chez CNRS Éditions en 2009. C'était La Compagnie des auteurs, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal, Stéphanie Vélin et Jean-Frédéric. Demain, troisième numéro de notre série consacrée à Tolkien, nous serons avec Léo Caruthers pour parler de Tolkien et la religion. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour, bonjour la compagnie, bonjour Mathieu. Et tourne, tourne, tourne encore l'or cambeau. C'est un voyage au fil du souffle avec le manteau rapiécé. J'ai mis mes yeux de nuit pour entendre vos souffles, du feu sur les lèvres. J'ai mis mes yeux de nuit pour entrer dans le monde des derviches. Florilège Betkassi, le manteau rapiécé, dialogue, récit, poème, psaumes et souffles. Le doigt de l'ange, clé antique, posé pour l'éternité au-dessus de nos lèvres, le souffle devient feu, passant de pierre en lèvre, de lèvre en porte et de porte en miroir, sous le regard brûlant. Et tourne, tourne, tourne cette possibilité d'une transe, peut-être dans l'énonciation du poème. Allez, respire, reprends et tourne, tourne, tourne, boum, le sol se dérobe, on se retrouve sur l'autre livre de Laure Cambeau. Ma peau ne protège que vous. Là. Premier poème, je suis soluble dans la page, une ombre à l'envers, citron noir, black lemon. Ne me demandez rien, ni mot, ni fanfreluche, je me déguise frivole dans la page, une ombre à l'envers, je nage sous des pavés de dictateurs bananiers. Vampire baroque, soluble dans le bleu du ciel, ma peau ne protège que vous, fidèle comme la veine à Monte Carlo. J'attends déguisé en petit matin, j'ai dû me tromper de corps, au saut de page, on voit mes coutures, j'ai dû me tromper de matin, de rêve ou d'orchestre, ma peau treillie de bois et de cordes ne protège que vous, mon fantôme en papier, citron noir, black lemon. Ma peau ne protège que vous donne son titre au livre, paru au Castor Astral, où l'on trouve aussi poémier, comme un verbe infinitif, une tentative d'infini. Poémier, tout est bon sur l'arbre à doigts, les vœux s'écrivent au vernis rouge sur les ongles. Ex voto, plainte, supplique, je plonge dans la nuit obscure derrière l'écorce de la paupière. Je joue, l'œil droit sera ma dernière chance. Je plonge dans le tunnel, vide gras, vide luxuriant, entre rêve et cratère, au feu caché du tronc. Vous êtes ici dans l'arbre à doigts. Poémier, arbre à poème, de doigt en doigt, de branche en branche, d'arbre en arbre, dans ma langue d'arbre, poémier, je pleure en martingale, doublant la mise à chaque branche, avec pour jeton des noyaux, et avec les noyaux, tout est bon, rien ne se perd, chapelet, collier, bracelet, arbre à œil, arbre, temple, cabinet de société, au milieu des branches, arbre clos, je mise ailleurs, martingale, folle, l'urgence ou l'attente, la flamme sous l'écorce, fleur de sabir, un livre est caché dans la joue de l'arbre. L'Orient et l'Occident ne peuvent plus être séparés. Entre ces deux mondes, avec esprit, se bercer, je le veux bien. Entre l'Est et l'Ouest, ainsi se mouvoir, puisse cela profiter. Dit Goethe dans le divan. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez cette semaine des poèmes de Laure Cambeau.